Yeah. Oxide à la prod. Yeah. SLM Records. Yeah. Je fais partie de ce qu'on parle à code, poteau. Mais rien à foutre. Je travestis pas ma zig pour passer aux grandes heures des côtes. Moi j'ai que la plume et la passion, mais pour le reste on verra. On m'a dit lâche pas le taf, paye alors qui vivra verra. J'avance centimètre par centimètre. On m'a dit t'obtiens pas d'empire si tu comptes l'avoir centimètre, certes. Alors j'ai taffé comme un porc pour avoir le peu que j'ai eu. Et aujourd'hui je m'en sors pas mal sans avoir donné mon cul. Y'a longtemps que j'aurais stoppé le rap si je faisais ça pour le pif. J'ai pas la gueule ni le vécu qui en rime fera la diff. Je passe des heures, des jours, des mois, des années à gratter des punchlines que personne va écouter. Parce que j'ai pas de féfé, de gueule, de spliff, de tasse. Ouais, car j'ai choisi la vérité et de leur faire cadeau des strass. Alors ma gueule monte le volume, j'kickerais sa com à l'époque. Pendant qu'ils braillent sur autotune, suçant des beats à Skyrock. Ouais. J'killais des prods depuis 12 piges, j'killais des faces depuis longtemps. J'dédé des beats ça pour la mif, j'dédé des beats ça pour mon clan. J'pose des mots depuis longtemps, ils m'posent ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. J'killais des prods depuis 12 piges, j'killais des faces depuis longtemps. J'dédé des beats ça pour la mif, j'dédé des beats ça pour mon clan. J'pose des mots depuis longtemps, ils m'posent ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. Au point de départ, mi-2008, premier texte et premier Larsen à l'époque. Qu'il aurait cru qu'un beau jour on brûlerait des scènes, même si l'histoire a fait des siennes, c'est vrai. J'avais la dalle. J'ai grandi en deux spies en pensant que je valais que dalle. J'ai foncé tête baissée sans jamais rien calculer. Mais tu te casses la gueule à coup sûr à sprinter les yeux bandés. Alors je gratte grave, la feuille est noire et crade. Les vrais gangsters sont pas en studio, moi c'est des mots que je bicrave. Depuis l'époque du sac à dos, la rage ne m'a pas lâché. Et avant d'être pris au sérieux, ici faudra cravacher. J'ai compris que j'étais pas dans le vent, mon son pètera pas les scores. Et à quoi bon s'appliquer mec, on donne du miel à des porcs. Mon bro sont ceux qui veulent ma chute, ma fin leur donnera la trique. Mais j'ai plus d'une rime à ma plume, poto demande à Flozik. Depuis le début, le même optique, ma gueule, même dans le brouillard. Je suis toujours resté le même, et ce depuis mon point de départ. J'killais des prods depuis 12 piges, j'killais des faces depuis longtemps. J'dédé des beats ça pour la mif, j'dédé des beats ça pour mon clan. J'pose des mots depuis longtemps, ils m'posent ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. J'killais des prods depuis 12 piges, j'killais des faces depuis longtemps. J'dédé des beats ça pour la mif, j'dédé des beats ça pour mon clan. J'pose des mots depuis longtemps, ils m'posent ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. J'killais des prods, j'killais des faces, j'dédé des beats, j'dédé des beats. J'pose des mots, j'pose ma pierre. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. J'killais des prods, j'killais des faces depuis longtemps. J'dédé des beats ça pour mon clan. J'pose des mots, j'pose ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice.